technique Canvi, magnétisme. Premier exercice. Il est préférable d'être deux personnes pour faire l'exercice, mais nous verrons quand même une façon de le pratiquer en solo. Assis l'un face à l'autre, deux personnes, les jambes légèrement écartées, les pieds ne doivent pas se toucher, les mains non plus. On lève la main droite, les doigts placés vers le plafond, et on place la paume de sa main exactement devant la paume de la main de notre partenaire. Les deux paumes doivent s'approcher lentement. Elles ne doivent pas se toucher. Faites attention pour que le bout des doigts ne se touche pas. Si vous vous touchez, l'énergie vitale va passer d'un corps à l'autre sans que vous puissiez le sentir. On approche très près les deux paumes et on place son attention sur ce que l'on sent sur la main. On reste dans cette position environ une minute. Vous devez faire attention à ce que vous allez ressentir dans vos mains, sur vos doigts, sur votre bras ou même dans votre corps. Ne pensez pas que c'est votre imagination. Toutes les personnes qui font l'exercice ressentent les choses similaires. Vous ne bougez pas les mains, vous les laissez décontracter très près l'une de l'autre et vous percevez. Certains percevront des picotements, d'autres de la chaleur, du froid, une sorte de courant d'air. Certains sentiront un engourdissement progressif. C'est de l'énergie vitale. On relâche, on décontracte son bras et on recommence l'exercice avec la main opposée. Les paumes face à face, les mains, les doigts ne se touchent pas. On maintient la position environ une minute et on essaie de détecter les perceptions au niveau de la peau, de la main, et au niveau du corps vital. Pour les personnes qui travaillent en solo, vous allez placer votre main droite, paume vers le haut, sur votre cuisse droite. Et avec la main gauche, lentement, vous allez approcher de votre main droite. Les deux mains ne doivent pas se toucher. Et très, très lentement, au fur et à mesure que votre main gauche approche de la paume droite, concentrez votre attention pour sentir la différence de chaleur, de froid, des picotements, courant d'air ou engourdissement dans l'une ou l'autre de vos deux mains. Les mains ne se touchent pas. Pour les personnes qui travaillent avec un partenaire, vous recommencez l'exercice avec la main droite. On recommence avec la main opposée. Pour les personnes qui travaillent en solo, vous allez simplement inverser le rôle de vos mains. La main gauche, déposez la paume vers le haut sur la cuisse gauche, et c'est la main droite qui doucement approche. On relaxe ses mains. L'énergie vitale se fait surtout sentir sous forme de picotement ou de chaleur ou de froid ou de courant d'air ou d'engourdissement. Nous allons maintenant faire un autre exercice. La personne en face de vous va fermer les yeux et elle va placer sa main droite comme lors du premier exercice. Vous, sans avertir votre partenaire, vous allez de temps en temps approcher votre main de la sienne et la retirer. Votre partenaire doit vous dire quand votre main est prête uniquement. On doit pratiquer cet exercice jusqu'à ce que l'on sente bien l'approche de l'énergie vitale de la main de l'autre. 2 minutes un côté, 2 minutes l'autre côté. C'est-à-dire que pendant 2 minutes, vous allez rapprocher votre main de temps en temps et la retirer. Et par la suite, vous fermez les yeux, vous placez votre main en position et votre partenaire, lui, de temps en temps, va rapprocher la sienne de la vôtre et ce sera à vous de dire si il est prêt ou non. Pour les personnes qui travaillent en solitaire, vous fermez les yeux et vous allez placer votre main gauche, la paume sur votre cuisse gauche. C'est important, les pieds ne doivent pas se toucher. Et lentement, avec la main droite, toujours les yeux fermés, vous allez rapprocher la paume de votre main vers le dessus de votre main gauche, en essayant de bien sentir la distance qui sépare vos deux mains. Alors, si vous croyez, par exemple, en approchant être à peu près à 1 pouce de votre main et que vous vous touchez, c'est que vous ne percevez pas encore comme il faut. On y va pendant 2 minutes avec une main, 2 minutes avec l'autre main. On approche surtout des doigts de la main qui est au repos. Cela fait 2 minutes. On inverse les rôles. On arrête, on relaxe les mains. Vous pouvez poursuivre cette pratique de plusieurs façons. Par exemple, on peut éteindre les lumières d'une pièce de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu d'ombre. Et en arrière d'une personne, on peut lentement approcher sa main d'une partie de son corps. Et la personne doit nous dire quand on approche et vers quelle partie de son corps on approche la main. On fait l'exercice chacun son tour. Une autre forme d'exercice pour détecter l'énergie vitale, étant donné que chaque objet émet de l'énergie vitale, on peut aussi, doucement, en faisant attention pour ne pas se blesser, parce que l'ego sera nécessairement dans vos jambes. L'ego est un peureux et un sceptique. C'est un grand frein à l'évolution. On peut fermer les lumières, fermer les yeux et avancer en aveugle dans une pièce en essayant de détecter la présence des objets, évidemment, avant de les heurter. On pratique l'exercice de la perception de l'énergie vitale le plus souvent possible, jusqu'à ce qu'on la sente bien.